On demande gentiment, on vient avec insistance. En cas de problème, ils ont besoin d'assistance. Pour la monnaie, ça, ça fait des coups de patard. Chacun pour soi, chacun son existence. L'argent n'a pas d'odeur, ça dessert même les junkies. On rappe toujours du béton, même trop de la funky. Du moins t'attends qui, du moins t'attends quoi. Coup des sueurs contre Biggie pour qui t'enquille. Plein de cocaïne, ils te font les médecins. Ça bicrape des mille, donc elle fait comme les médecins. Chacun son destin, chacun son festin. Et ceux qui calculent, ceux qui fonctionnent à l'instinct. Ça joue les anciens, ça travaille à Mel Gibson. Dans la paix, plus de prix, demande à Gibson. De voir le riz terre, tu veux danser comme Jackson. Ils sont pleins de complots comme le président Nixon. Tout sont les brisons pour tout beaucoup de hatai. Quand ça s'aperçoit, quand j'arrive solo pour la bataille. Ça met des coups de coude, violent comme au Muay Thai. Ils veulent rivaliser. Des potes au moins ils ne sont pas taille. Dans la survie on fait dans la résistance. Parfois c'est chaud et tu t'en sors de justesse. Y'a pas de confiance, il faut garder ses distances. Pour pas de sentiments, on déplace pour la tristesse. Ouais, demande à Mexes. On est pas comme eux, Marocain du Rif, poto c'est le Texas. Zone narine pleine cesse. C'est des machins, tu voulais du rap, on t'envoie du sensas. Faut dire que cela me désole. Dans la vie faut compter que sur soi comme dans des hold up. Les vrais soutiennent les vrais hommes. Normal que les salopes soutiennent les fils d'up. Que ça parle, parle, parle. Ça fait les voyous, au fond de l'histoire très vite qui parle pour R. Demande au petit corps. Depuis mineur, ça manie les deux roues, allez sur un 1000 RR. Ils ont grandi comme ça, ils connaissent rien d'autre. Depuis tout jeune, ils connaissent que le terre-terre. Si tu respectes pas, 9 millimètres pour te faire taire. Ça sonne BMW sur la côte. Que ça claque des grosses sommes pour la Ribera. Toi t'essayes toujours de faire croquer ton pote. Pendant qu'il tape ta sœur à la Ribera. Que ça commet des fautes, mais personne n'assume. Si c'est pas toi qui paye, du moins qui paiera. Aucun pardon si ça concerne la famille. On balancera ton corps dans le Viguera. Allez porter ta tête normale dans la rue. Ne se refusez pas comme un kilo trop. Pour ton dès le jeune âge, ça veut faire des thunes. Tout niquer à la Anthony Spilotro. Dans la rue, trop jaloux, trop de fils de pute. Ouais, c'est chacun pour soi, plus de philanthrope. Beaucoup trop de donneurs pour ton peu d'honneur. Les vrais hommes se font rares comme du pilon propre. Reversé par le bruit du bang. Faut pas beaucoup, ça sort les flingues. T'es fatigué, joue pas les dingues. Gang, quand tu connais le gang, gang. Reversé par le bruit du bang. Faut pas beaucoup, ça sort les flingues. T'es fatigué, joue pas les dingues. Gang, quand tu connais le gang, hein.